السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue le résumé explicatif ou bien l'explication résumée du livre de l'unicité par Charles Fazel حفظه الله تعالى. C'est le cours 20. On était arrivé à la parole de l'auteur Charles l'Islam محمد بن علوهاب رحمه الله تعالى كيدي وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. Donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam محمد بن علوهاب رحمه الله تعالى il dit, et on est toujours dans le chapitre qui s'attache à étudier ce qui concerne l'intercession, shafa'a, il dit, et sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah dont la traduction du sens est, dit: invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre, jusqu'à la fin des deux versets. L'ayatain, c'est-à-dire akmil l'ayatain, c'est-à-dire jusqu'à la fin des deux versets. L'explication de du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit: tamamul ayataini, qawlu ta'ala, وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير من سورة سباء. Donc la complétion des deux versets qui sont cités par Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, qui sont deux versets de sourate Saba 22-23, et bien c'est la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est: dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Donc comme j'ai dit, c'est la traduction rapprochée et approximative du sens de Surat Saba, versets 22 et 23. Puis ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il continue en disant: qul, ay lil mushrikin. Qul, c'est-à-dire dit aux polythéistes, aux associateurs. Za'amtum, ay za'amtumuhum aliha. Za'amtum, vous prétendez, c'est-à-dire ceux que vous prétendez être des divinités. Min dunillah, ay ghayrihi liyanfa'ukum bizamikum. Min dunillah, en dehors d'Allah, c'est-à-dire autre qu'Allah, afin qu'il vous soit utile comme vous le prétendez. Mithqala, wazna, c'est-à-dire le poids. Dharratin, min khayrin aw shar. والمراد بالذرة النملة الصغيرة ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. كم ذا الفقه فجعلناه هباء منثورا. هباء المنثور. ici le cheikh dit ذرة d'un atome, c'est en bien ou en mal. Et le sens, cheikh dit, de ذرة avec une kasra, comme le dit le cheikh ici, c'est la petite fourmi. Et il est dit de chaque composante de la poussière que c'est une dharra. Comme dans le verset que vous connaissez tous, qui est une des preuves que les mashiras utilisent pour dire que l'islam, c'est la condition pour que les actions soient acceptées, c'est wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Comme la poussière éparpillée, al-haba' al-manthur. Shirk, shirkin, shirkatin ma'allah. Une association avec Allah. Wa ma lahu, ay lillahi ta'ala. Wa ma lahu, et il n'a, c'est-à-dire Allah le Très-Haut, minhum, min al-aliha, parmi eux, c'est-à-dire parmi les divinités. Comme Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il fait, comme il fait son habitude, c'est qu'il explique tous les termes, un par un, avant de rentrer dans l'explication générale des versets, et puis de rapporter les bénéfices à tirer des versets. Min zahir, معين يعينه على تدبير أمر السماوات والأرض من ظهير كم soutien un aide qui l'aiderait à administrer les affaires des cieux et de la terre. عليكم السلام. ولا تنفع الشفاعة عنده ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله تعالى رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده ولا تنفع الشفاعة عنده c'est-à-dire l'intercession auprès de lui ne profite pas. On va voir le détail de ça. On a dit qu'il y avait des intercessions qui étaient établies et c'est ça qu'on va voir aussi notamment dans la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc il dit l'intercession auprès de lui ne profite pas. En fait, il explique chaque partie du verset, si vous voulez. C'est-à-dire auprès d'Allah. Et c'est une réfutation de leurs paroles sur laquelle leur divinité intercède pour eux auprès de lui. إِلَّا لِمَنْ أَدِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِغَيْرِهِ إِلَّا لِمَنْ أَدِنَ لَهُ C'est-à-dire à l'exception faite de celui à qui il, Allah subhanahu wa ta'ala, le permet. Il permet quoi? D'intercéder pour autrui. Maintenant, on a le sens général des deux versets. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn. Ya'muru Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yaqula lil-mushrikin 'ala wajh at-tahaddi utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum wa takshifu ad-durra 'ankum fa innahum la yaqdiruna 'ala dhalik li'annahum la yamlikuna min al-kawni wazna asghar namlatin ملكا أو ملكا مستقلا وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم إلا إذا أدنى لهم بذلك إلا استثناء وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك فهم لا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون في الملك ولا يعاونون المالك في الملك ولا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه فبطلت عبادتهم من دون الله. Qu'est-ce qu'il explique ici, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, par rapport à ces deux versets, les versets 22 et 23 de Sourate Saba. Il dit, le sens général des deux versets est qu'Allah le Trio subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux polythéistes, aux associateurs en guise de défi, at-tahaddi. C'est comme quand tu dis par exemple at-tahaddak, je te défie, at-tahaddak, ou je te pose en défi de faire ceci ou cela, etc. En guise de défi, c'est comme si tu dis par exemple à quelqu'un, un musulman, tu dis at-tahaddak, je te défie de me trouver une preuve sur le shirk. تحداك أن تأتي ولو بدليل واحد على الشرك أتحداك جذب أتحدى جت ديفي التحدي ici c'est le nom. Donc il dit le cheikh ici, Allah le Trio ordonne à son prophète de dire aux polythéistes en guise de défi, demandez à vos divinités au sujet desquelles vous prétendez qu'elles vous sont utiles et qu'elles dissipent vos maux. Elles ne sont certes pas capables de cela, car elle ne possède même pas d'une position indépendante dans l'univers le poids ne fût-ce que d'une fourmi qui est la plus petite. Et elle n'a même pas la moindre association avec Allah dans l'univers. Vous comprenez ici cette notion de possession indépendante ou pas? C'est-à-dire qu'on nous possède des choses. Mais c'est qui qui possède vraiment ces choses et qui nous possède nous à nous aussi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans l'univers, le poids de la fourmi est la plus petite. Elles n'ont même pas la moindre association avec Allah dans l'univers. Et aucune d'entre elles n'aide Allah dans la réalisation des affaires. Et elles ne peuvent pas se présenter devant lui afin d'intercéder pour vous, sauf s'il le leur permet. Mais comme on a déjà dit dans le dars précédent, mais Allah ne le permet pas à un polythéiste, à un associateur. Parce que parmi les conditions, on a dit c'était quoi? C'était le tawhid. Vous vous souvenez de ça? On va répéter ça dans la parole du Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah aujourd'hui, inshallah. Puis le Cheikh il continue en disant, elle ne possède donc rien de manière indépendante. Yani, ces fausses divinités à qui vous demandez. Ni même ne sont associées à lui dans la possession. Ni n'aide celui qui possède tout, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. et ne possède pas l'intercession auprès de lui sans son autorisation. Et donc les adorer en dehors d'Allah est une adoration vaine et caduque. Maintenant, comme il le fait à son habitude, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique en fait le rapport entre ces deux versets, le chapitre. Parce que le Cheikh, il a fait Kitab Tawhid, il a écrit Kitab Tawhid. Kitab Tawhid, il est divisé en chapitres. Ces chapitres, ils s'articulent les uns les autres dans Kitab Tawhid, d'une certaine manière. Et en dessous de chaque chapitre, il y a des preuves. Donc, comment ces preuves-là, qui sont citées, quel est leur rapport avec le chapitre? Ou si vous voulez, dit autrement, comme je le dis souvent, quel est le caractère opportun de citer ces preuves par rapport au chapitre qu'on est en train de voir ici? Vous comprenez ça? En d'autres mots encore, quel est le témoin argumentatif dans ces preuves par rapport à ce qui est dit? C'est-à-dire que maintenant, pour que vous compreniez bien ça, Cheikh l'Islam, Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah, il écrit un chapitre sur l'intercession. On est d'accord? Revenez un peu à la page, on fait ça ensemble. Revenez un peu à la page pour ceux qui ont le livre, vous pouvez partager entre vous. Revenez à la page qui est le titre du chapitre. Moi, dans mon édition à moi, c'est 141. Pour les frères qui n'ont pas le livre, ils peuvent peut-être voir ici. Et ici, c'est à votre gauche, à vous. Hein? Il y a un titre, Shafa'a. Et puis, qu'est-ce qu'il y a directement en dessous? C'est peut-être un peu loin. Wa qawlillahi ta'ala, directement des preuves du Coran. On est d'accord? Puis ensuite, il y a un verset d'ailleurs de Sourate Al-An'am. Vous vous rappelez, j'ai corrigé, c'est 51, c'est pas 151. Parce que dans l'édition, il est marqué 151. D'accord? En plus, ensuite, c'est des versets de Wa qawli ta'ala. Qulillahi shafa'atu jami'a, c'est de Sourate Zumar. Puis on a un autre verset de Sourate Al-Baqara. Puis on a un verset de Sourate Al-Najm. Puis on a les deux versets qu'on vient de citer de Sourate Saba. Donc vous comprenez en fait le fiqh de Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Al-Wahhab rahimahullah. Il t'apporte dans le cadre de l'étude du Tawhid, de l'unicité, il t'apporte un sujet qui touche à ça, qui est l'intercession. On est d'accord? Quand il te parle de l'intercession, il te cite directement des preuves. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il t'explique ce livre, il t'explique comment l'intercession, ce chapitre, il s'articule dans le reste de Kitab Tawhid, qu'est-ce qu'il a à voir avec Kitab Tawhid. Et aussi, après, dans le chapitre lui-même, comment ces preuves, elles ont un caractère, quelle est l'opportunité de ces preuves par rapport au chapitre dans lequel elles sont citées. C'est clair ça ou pas? Un peu dit de différentes manières, mais c'est juste parce que des fois certaines personnes accrochent plus d'une manière que d'autres, hein? Mais c'est important de comprendre. En arabe, on appelle ça wajl istidlal, tu vois, ou plutôt aussi le munasaba. Pourquoi? Comme il a dit Cheikh ici, munasabat al-ayatin lil-bab ou ma'al-bab, comme il a dit Cheikh ici. C'est-à-dire quel est le caractère opportun de citer ces versets par rapport au chapitre qu'on est en train d'étudier. Munasabat al-ayatin lil-bab. Eh bien, il dit أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. Le rapport entre les deux versets, ou le caractère opportun de ces deux versets et le chapitre, est qu'il y a dans ces deux versets la réfutation à l'encontre des polythéistes qui se rapprochent des awliya en les adorant, leur demandant l'intercession et les invoquant en leur demandant de leur obtenir un bien ou de repousser d'eux un mal. Donc, vous voyez comment c'est flagrant, il a l'opportunité par rapport, le caractère opportun par rapport au Kitab Tawhid et par rapport au chapitre sur l'intercession. Et d'ailleurs, awliya, on a expliqué dans le dars précédent, pour les frères qui n'étaient pas là peut-être, on a dit awliya, c'est le pluriel de wali. On a dit que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il expliquait le wali comme kullu mu'minin taqi, tout croyant pieux. Hein? Donc vous connaissez peut-être la preuve qu'il a utilisée du Coran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Cheikh l'Islam dit, mais il n'a pas sorti la définition comme ça. Il a tiré de ce verset-là d'autres preuves que le wali, kullu mu'minin taqi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle wali et le pluriel awliya qu'on entend beaucoup, eh bien c'est tout croyant pieux. On parle du vrai wali, hein. Ce que l'on tire comme bénéfice de ces deux versets. Cheikh al-Fawzan, il dit « Ma yustafadu min al-ayatayn »« Awalan, raddu ala al-mushrikin » الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم يزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. Et ce que l'on tire comme bénéfice des deux versets, il y en a cinq, sauf que le troisième il est un peu détaillé en quatre parties. Eh bien, le premier de ces bénéfices-là, c'est la réfutation à l'encontre des polythéistes qui invoquent en dehors d'Allah ceux qu'ils considèrent comme des divinités. Parmi les anges et autres prétendants, qu'elles possèdent pour eux la capacité de leur obtenir un bien ou de repousser d'eux un mal. Donc je répète cette phrase, la réfutation à l'encontre des polythéistes qui invoquent en dehors d'Allah. Ici le cheikh il a dit qu'il invoque en dehors d'Allah des divinités, mais j'ai traduit par qui invoque en dehors d'Allah ceux qu'ils considèrent comme des divinités. Pour pas que quelqu'un croit, parce qu'en français c'est un peu ambigu, qu'on croit que ce sont des vraies divinités. Parce que Allah Azzawajal les a appelés divinités. C'est vrai. Pourquoi les a appelés divinités? Hein? Exactement. Parce qu'elles sont adorées. Mais ce sont des alihas quoi en arabe? Batila. Hein? Qui sont nulles et qui n'ont aucun fondement. Des fausses divinités en français on dit. D'accord? Donc la réfutation à l'encontre des polythéistes qui invoquent en dehors d'Allah ceux qu'ils considèrent comme des divinités parmi les anges et autres. Prétendant qu'elle possède pour eux la capacité de leur obtenir un bien ou de repousser d'eux un mal. Deuxième bénéfice, مشروعيته محجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. Le caractère légiféré d'utiliser des arguments, hein, ou de débattre avec des arguments et des preuves, afin de démontrer la fausseté de l'association à Allah et de débattre avec eux à ce sujet. Donc c'est légiféré. Mais comme Cheikh l'Islam Mohammed ibn Al-Wahhab, rahmahullah, il dit dans Keshf Shubuhat, les dévoilements des ambiguïtés, Ali, tu ne pars pas à la guerre sans armes. C'est-à-dire que tu ne pars pas sans ilm. Parce que ton silah, ton arme contre ces Shubuhat-là, c'est quoi? C'est l'ilm. Mais si tu as un minimum d'ilm à ce sujet, parce que tu comprends ton tawhid, et que tu as des preuves, etc., tu peux vaincre de nombreux même ulama de dalal. Il faut avoir des preuves, il faut avoir cette arme-là, il faut avoir ce bagage-là. Donc on a dit, le caractère légiféré d'utiliser des arguments afin de démontrer la fausseté de l'association à Allah et de débattre avec eux à ce sujet. Troisième bénéfice, « قَطْعُ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَتَعَلُقُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ » وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا لمن فيه خصلة من أربع. Troisième bénéfice, couper les moyens auxquels s'accrochent les polythéistes. Et cela car le polythéiste ne prend celui qu'il adore qu'en raison de ce qu'il lui obtient comme bien. Mais le bien ne peut parvenir que de celui qui a l'une de ces quatre caractéristiques qu'on va citer maintenant, Inch'Allah. La première. Vous comprenez ça ici, hein? Ici, la faïda de ces versets-là, mais que ça coupe les moyens auxquels s'accrochent les polythéistes. Et cela, car le polythéiste ne prend celui qu'il adore qu'en raison de ce qu'il lui obtient comme bien. Lui, c'est ce qu'il dit. Je l'adore pour qu'il m'obtienne ce bien-là. Donc nous, on coupe quoi? Avec ces versets-là, les moyens. Comme Allah Azza wa Jalla fait dans ces versets-là. D'accord? Et de toute façon, le bien ne peut parvenir que de celui qui a l'une de ces quatre caractéristiques suivantes qu'on va citer, Inch'Allah. La première, c'est soit qu'il possède ce que son adorateur veut de lui. Or, on a vu qu'il ne possédait pas quoi? Vous n'avez pas suivi la phrase? Hein? Si? Hein? Ahsant, Zaklaw Kheran, vous êtes timide. Hein? Ou autrement, vous n'allez pas faire une erreur. Athania, imma an yakuna sharika lil malik. Donc la première, c'était quoi? C'est soit qu'il possède ce qu'un adorateur veut de lui. Deuxième, soit qu'il soit un associé de celui qui le possède. Soit qu'il le possède, le bien, soit qu'il soit un associé de celui qui le possède. Troisième point, Thalitha, imma an yakuna dhahiran, afwan, dhahiran ou mu'inan lah. La troisième, soit qu'il soit un soutien ou une aide pour lui. Soit qu'il possède lui-même, soit qu'il soit un associé de celui qui possède, ou soit qu'il lui soit un soutien ou une aide. Quatrième point, wa imma an yakuna shafi'an 'indah. Soit qu'il soit un intercesseur auprès de lui. Et nous, qu'est-ce qu'on a vu avec ces deux versets de sourate Saba? Eh bien, وَقَدْ نَفَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ الْأَسْبَابَ الْأَرْبَعَةِ فِي آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ فَبَطُلَتْ عِبَادَتُهُمْ. Et donc, Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, il a dénié, il a nié ces quatre caractéristiques, que ces quatre caractéristiques se retrouvent chez les divinités des polythéistes. Et donc, que leur adoration est fausse et vaine. Vous voyez l'importance de connaître ces points-là. Tu peux démontrer la nullité de leur adoration et le caractère faux de cette adoration avec ces points-là. Si tu veux obtenir du bien, mais regarde, quatre choses ici. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et ouais. On continue dans le maintenant. Ou d'abord le quatrième bénéfice, parce qu'on sait un peu. Donc c'était les quatre caractéristiques qui étaient citées dans le troisième bénéfice. Maintenant, quatrième bénéfice. إِثْبَاتُ الشَّفَاعَةِ اللَّتِ تَكُونُ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et bien dans ces versets-là, il y a l'affirmation de l'intercession qui ne peut être qu'avec la permission d'Allah. Les ulama, toujours quand ils donnent cours de shafa'a, ils disent toujours shafa'atu shafa'atan, ahsant, shafa'atun. Si tu dis ça, c'est que tu as étudié le matin. Dans un autre matin, à mon avis, tu l'as étudié. Dans quel matin? Hein? J'ai entendu? Le qawad al-arba'a, naam. Il y a une shafa'atun. Muthbata, affirmé, une shafa'atun. Manfiya, nié ou dénié. D'ailleurs, ça, on va voir dans la parole du Cheikh l'Islam, qui est très importante cette parole, du Cheikh l'Islam, Boutaymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc, on dit l'affirmation de l'intercession qui ne peut être qu'avec la permission d'Allah. Cette intercession-là, elle est affirmée. Cinquièmement et dernièrement, cinquième bénéfice, عند المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها لمشرك. L'intercession n'est utile en rien au polythéiste, car Allah le Très-Haut ne la permet pas pour un polythéiste. Voilà, donc l'importance d'apprendre le tawhid, de s'accrocher au tawhid et de mourir sur le tawhid. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens du tawhid lorsque nous le rencontrons, subhanahu wa ta'ala. On continue dans le matin la parole du Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abouhab, rahimahullah ta'ala, et il dit Qala Abu al-Abbas. Abu al-Abbas, c'est qui? On va le voir dans un instant, c'est le Cheikh l'Islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit نَفَى اللَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ أَوْ يَكُونَ عَوْنًا لِلَّهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى مِنْ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مَنْفِيَّةٌ يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. Cette partie du hadith, cette parole-là, ce hadith qui cite Cheikh Ibn Taymiyyah, il est cité dans le Bukhari et Muslim. Il est rapporté dans le Bukhari et Muslim. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه سبيلي ذا البخاري فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه أي انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. L'auteur qu'elle a l'efface miséricorde, donc Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abouhab رحمه الله, il va citer toujours dans le chapitre l'intercession une parole assez longue de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et cette parole d'Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Fawzan, il va l'expliquer avec le reste du chapitre. Donc, Cheikh Al-Islam Mohamed Al-Wahhab, il cite, il dit, Abu Al-Abbas a dit, c'est qui Abu Al-Abbas? Eh bien, c'est la kunya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Abu al-Abbas a dit, Allah a nié tous ceux auxquels les polythéistes s'accrochent en dehors de lui. Il a donc nié qu'ils aient une quelconque possession ou une part de son royaume, ou qu'ils soient des aides d'Allah. Et il n'est resté que l'intercession. Et il a donc clarifié qu'elle n'est utile qu'à celui à qui le Seigneur l'a permis. Comme Allah a dit, ce dont la traduction du sens est, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Sourate Al-Anbiya, verset 28. Donc, cette intercession que pensent les polythéistes est inexistante le jour du jugement. Comme l'a dit le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il viendra et se prosternera pour son Seigneur et fera ses louanges. Ce fameux long hadith sur Shafa'a, cette Shafa'a qu'on appelle Shafa'a al-Kubra, la grande intercession, comme on va le voir dans un instant, Inch'Allah. Il fera ses louanges. Il ne commencera pas d'ailleurs par intercéder. Il va d'abord faire les louanges, se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'on lui donne l'autorisation de se lever. De se relever. Puis il lui sera dit, lève ta tête et dis, et cela sera entendu. Et demande, et il te sera donné. Et intercède, et l'intercession te sera accordée. Donc cette partie du hadith, je vous conseille vivement de lire ce hadith Shafa'a, c'est Al-Bukhari 3340 et Muslim 194. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, qui sera le plus heureux des gens par ton intercession? C'est-à-dire qu'il demande au prophète alayhi salatu wassalam. Il répondit alayhi salatu wassalam, ceux qui disent La ilaha illallah, sincèrement venant de leur cœur. On a déjà traduit La ilaha illallah par nul n'est en droit d'être adoré ou nul n'est en droit d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cette condition ici. Ceux qui disent La ilaha illallah sincèrement venant de leur cœur. C'est ce qu'on appelle ici un ihtiraz. C'est une condition restrictive. Et vous pouvez deviner pourquoi. Pourquoi vous pensez? Une condition restrictive, c'est-à-dire qu'on essaie de qu'on fait pour que quelqu'un ne rentre pas dans cette définition. Ahsan, le munafiq, l'hypocrite. Parce que l'hypocrite, lui, il a dit qu'avec sa langue, pas avec son cœur. Donc le prophète, en disant ça, eh bien, il exclut les hypocrites de cela. Cette intercession est donc pour les gens de la sincérité, avec la permission d'Allah. Et n'est donc pas pour ceux qui ont associé Allah. Et sa réalité est qu'Allah est celui qui fait grâce aux gens de la sincérité et leur pardonne au moyen de l'invocation de ceux à qui il a donné l'autorisation d'intercéder. Et ce, afin de l'honorer et qu'il puisse atteindre le statut élogieux, le maqam al-mahmoud. L'intercession niée par le Coran est celle qui contient de l'association. Et c'est pour cela qu'il a affirmé à certains endroits l'intercession faite avec sa permission. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié qu'elle ne peut être que pour les gens de l'unicité et de la sincérité. Fin de citation d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Combien de temps on a encore dans le salat? 10 minutes. Ça devrait suffire. Cheikh al-Fawzan, il explique, il dit Abu al-Abbas wa Cheikh al-Islam Taqiyuddin Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Imam al-Mashhur sahib al-Musannafat al-Mufidah كانت وفاته سنة 28 بعد 700 هجرية رحمه الله أبو العباس الشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية للسلابغ إمام الأوتور de livres très bénéfiques décédé en l'an 728 de l'Égir car il fasse miséricorde. قسط القسط هو النصيب القسط النصيب la part الشفاعة التي يظنها المشركون أي التي يطلبونها من غير الله من الأنداد. C'est-à-dire qu'ils demandent en dehors d'Allah, l'intercession qu'ils demandent en dehors d'Allah. À ceux qu'ils donnent comme égaux à Allah. Wa akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ay fi al-hadith al-thabit fi al-sahihayn wa ghayrihima min hadith al-shafa'a. Wa akhbara an-nabi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, c'est-à-dire dans le hadith authentique, dans les deux recueils d'un hadith authentique et d'autres recueils, et c'est le hadith de l'intercession, ce qu'on appelle le hadith al-shafa'a. وقال أبو هريرة أي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة قال أبو هريرة c'est-à-dire أبو هريرة a dit c'est-à-dire dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim النسائي et d'autres d'après أبو هريرة أسعد الناس أكثرهم سعادة بها أسعد الناس le plus heureux parmi les gens celui parmi les gens qui en est le plus heureux خالصا من قلبه احتراز من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط خالصاً من قلبه, sincèrement venant de son cœur, c'est une restriction, afin que l'hypocrite qui le dit uniquement avec sa langue n'y soit pas compris dans ce hadith. وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون.